Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque. Je suis Mr. Wiz et pour le deuxième épisode de cette émission, je reçois un petit nouveau dans l'équipe. Alors Murdoch, comment t'appelles-tu ? Eh ben, comme tu viens de le dire, je m'appelle Murdoch. Murdoch. Et je sais pas ce que tu peux te présenter brièvement. Enfant des années 80. Pas tout. Ça fait un petit peu plus tôt en fait, né en 76, donc un petit peu avant les années 80, ce qui m'a donné quand même la chance de découvrir des dessins animés genre Ulysse 31 et Goldorak, parce que pour ceux qui sont nés fin 80, c'est un peu chaud. Mais moi, ça a été mes gros points dans les années 80, donc les dessins animés du début des années 80, donc Goldorak et Ulysse. D'accord. Et donc un petit peu de musique, a priori, vu qu'on va en parler légèrement aujourd'hui. Ouais, alors la musique, c'est venu un tout petit peu plus tard de manière concrète, mais oui, vous allez voir, bah, je vais vous présenter quand même pas mal de portes d'entrée des années 80 sur les morceaux que j'ai aimés, les artistes aussi, donc ouais, beaucoup de musique, c'est arrivé un petit peu plus tard dans ma vie, mais ouais, il y en a beaucoup. Bah c'est parfait. Autre chose, bonjour à mémé. Ouais, bonjour à mémé, surtout bonjour à maman, parce que c'est quand même elle qui m'a offert des très très beaux disques. On va parler d'un ce soir, et ouais, voilà, bonjour à maman. Eh ben c'est parti. Alors on va faire comme pour la première émission, on va faire un petit édito pour commencer, et j'avais envie de pousser un cri du cœur à propos du prix de certains coffrets et autres intégrales, et je réagissais en particulier à un coffret qui vient de sortir et qui m'aurait fait beaucoup plaisir mais que je ne m'achèterai jamais, qui est le coffret Pink Floyd Early Years, qui coûte quand même 453 €. J'ai eu la chance de l'écouter au final. Ça vaut le coup, c'est vraiment sympa, mais 453 € quand même, quoi. Donc, j'ai l'impression que de temps en temps, il y a des gens qui partent dans des dimensions un peu surréalistes. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Bah, quand tu m'as parlé de cette édition, moi aussi, je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait dans le contenu et aussi les retours des gens qui l'avaient acheté. Parce qu'effectivement, 450 €, c'est pas rien. Donc, a priori, le contenu est au rendez-vous. Il y a énormément de belles choses. Il y a plein de beaux morceaux. Il y a beaucoup de CD, beaucoup de DVD. Il y a même des Blu-ray. Donc, a priori, les contenus ne se recoupent pas, donc il y a vraiment énormément de contenu. Moi, j'ai pas écouté encore ce que ça pouvait donner. Donc, si ceux qui ont mis 450 € s'y retrouvent, tant mieux pour eux. Moi, je les mettrai pas, que ce soit pour Pink Floyd ou un autre artiste. Après, ce qui me choque un petit peu dans ces rééditions, c'est quand on rajoute des photocopies de places de concert ou des trucs comme ça, où je vois pas trop l'intérêt. Après, moi, le gros intérêt que je peux voir à récupérer des affiches, c'est qu'elles soient d'époque. Là, quand on met un coffret avec plein de CD, plein de DVD, ok, pourquoi pas, mais qu'on rajoute des pochettes qui sont au bout du compte des photocopies de ce qui a pu se faire à l'époque, je vois pas trop l'intérêt. Enfin bon, ouais, c'est, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, d'autant plus qu'on ne sait même pas. A priori, le coffret va être découpé en plusieurs petites tranches l'année prochaine, donc on pourra peut-être, pour ceux que ça intéresse, procurer moins cher. Mais a priori, il n'y aura pas tout de toute façon, donc il se garde des espèces d'exclusivité, et je trouve que c'est un peu désespérant. Mais de toute façon, la mode aussi maintenant est vraiment de faire le plus de fric possible sur les albums. Je voyais, alors moi je suis pas client, mais j'ai vu les rééditions des albums de Led Zeppelin. T'as des éditions de luxe à quand même 150 € juste pour un album. Pareil, faut quand même être super fan, quoi. Ouais, faut aimer, ouais. Surtout que, bon, bah, là on parle, on va parler un petit peu d'autres artistes. Moi je suis beaucoup plus fan d'un groupe comme U2, par exemple, qui a ressorti une réédition pour les 20 ans d'Artum Baby, je crois. Et c'était pareil, c'était un coffret qui tapait dans les 300 €. Sachant qu'un mec comme moi, j'ai déjà l'album, j'ai déjà les deux DVD, donc des deux tournées qu'on suivit. Les deux DVD sont dans le boîtier. Bon, ok, il y a des lunettes, il y a beaucoup de choses. Ça vaut 300 € à la sortie. C'est beaucoup. Et moi, je trouve que, bon, bah voilà, on se rachète peut-être un album qu'on a déjà quand il y a du contenu en plus, qu'on a quelque chose d'intéressant. Après, 300 €, ça reste, à mon avis, pas justifié. Je me souviens de la réédition aussi de l'album So de Peter Gabriel. Mmh. Alors, ils avaient fait pareil, un gros truc avec des vinyles, des DVD, des machins dans tous les sens. Genre, dans son coffret, il a même pas été capable de mettre les faces B. Ouais, c'est le minimum, quoi, mais bon. C'est un peu crétin, tu casses 4 ou 5 CD et DVD, machin, tu mets un concert, bon, qui au demeurant peut être intéressant, mais bon, il doit y avoir 3 morceaux qui sont pas sur l'album, il aurait peut-être pu se fendre. Ah, tu peux mettre du bonus, hein. Donc de temps en temps, ça peut être intéressant, de temps en temps, c'est un peu plus limite, enfin voilà, alors que dans d'autres cas, il y a des petits coffrets qui sont sympas et qui coûtent pas super cher, je vois en particulier les coffrets à 30-40 € de chez Universal. Alors c'est un peu chanson française, mais il y a pas mal d'autres artistes qui qui resurfent un peu là-dessus aussi, tu sais, des boîtiers avec des pochettes en carton qui coûtent pas. Ouais, les long box, ils appellent ça, ouais. Ah, non, même pas, parce que là, c'est des, t'as vraiment des boîtiers éco avec des intégrales et puis vraiment juste des pochettes cartonnées à l'intérieur, un truc ultra basique. Des fois, il n'y a même pas forcément de livret, mais par contre, ça fait des intégrales à pas super pas cher, cher, quoi. Ouais. Ouais, j'avais fait ça avec Electric Light Orchestra. T'avais tout pour 29 euros, quoi. C'est, là, pour le coup, on se moque pas du monde. C'est cadeau. Ouais, c'est super chouette. Moi, l'exercice que j'avais trouvé intéressant, donc pour revenir toujours aux 20 ans d'Artum Baby, c'est par exemple un magazine anglais, je sais plus si c'est le NME ou le Q, qui avait, j'étais chercher des artistes quand même assez connus. Il y avait donc Jack White, il y avait Depeche Mode, et ils leur ont fait réenregistrer l'album, et c'était en bonus avec le magazine. Donc voilà, vous payez le magazine, et là vous pouvez le trouver sur iTunes à 8 euros, je crois. Pour célébrer la sortie d'un album entre guillemets historique ou qui a marqué un petit peu l'histoire, c'est à la limite plus intéressant qu'un coffret ultra cher et qui a pas énormément de contenu en plus. Ouais, ils aiment bien faire ça en Angleterre, c'est pas la première fois que je vois ça, je suis pas sûr que ça soit Q. Ouais, j'ai plus exactement en tête, je dois te dire. C'est peut-être bien le NME, mais... Q, dès que je peux, je l'achète parce que je l'aime bien. Je me suis rarement retrouvé avec un CD avec, donc... Alors qu'effectivement, je vois des CD comme ça, de réinterprétation autour d'un album ou juste... hommage à tel ou tel artiste, je trouve ça assez sympa. C'est une bonne idée, ouais. Ouais, ouais, c'est cool. Donc voilà, c'était le cri du cœur de la journée. Donc on peut passer à la sélection occasion. Eh ben écoute, je te laisse présenter ton premier item. Donc un album du début des années 80, un album de 81, l'album Pizza d'Alain Bashung. Pour moi, ça a été le point d'entrée vers le rock, puisque j'écoutais ça à la radio. Au début des années 80, on était sur les radios libres, il y avait... donc moi, j'étais en province sur Dijon, j'écoutais Radio Cassis, beaucoup de rock. Et donc forcément, vous tombez sur Vertige de l'amour. C'est une chanson que j'ai l'impression d'avoir entendue toute ma vie, puisqu'elle passe toujours à la radio, et j'ai l'impression qu'elle est tout le temps passée à la radio. Et à chaque fois qu'elle passe, je l'écoute, parce que c'est une chanson que j'adore. Alors, je suppose que tu as choisi une autre chanson comme extrait pour illustrer l'album. Ouais, alors j'ai choisi Rebelle parce que c'est une chanson qui est quand même un petit peu connue, mais un petit peu moins que Vertige de l'amour. Je pense que tout le monde la connaît par cœur. Et Rebelle, ça reprend un petit peu pas mal de l'esprit de Bashung à l'époque, c'est-à-dire il était à son troisième album, il savait pas trop dans quelle direction aller, et là il est un petit peu à l'entre-deux, et c'est un titre qui passe vachement bien à l'écoute, moi, de mon point de vue. Donc c'était Rebelle d'Alain Bashung, donc sorti de l'album Pizza de 81. Est-ce que de ton côté tu le connaissais cet album ? Alors non, je ne connaissais que Vertige de l'amour. Je t'avouerai que je suis pas de base un gros client de Bashung. Je trouvais ça marrant, justement, à l'époque, quand il faisait ça, quand il faisait Gabi, qui est plus ou moins de la même époque aussi. Après, j'ai trouvé ça un petit peu abscon, et surtout, je ne sais pas d'où est venue cette espèce de statue Télérama irrecuptible d'artiste maudit du siècle, que tu es impardonnable si tu n'es pas fan. Donc, tout de suite, ça m'a bloqué. Par contre, j'ai écouté le disque en entier et j'avoue que ça m'a réconcilié avec Bashung parce que je le trouve vraiment très sympa. Pourtant, c'est pas un album qui est le plus facile, on va dire, d'approche, hein, parce que c'est le tout début de carrière. Enfin, c'est son troisième album, mais il a failli se faire rendre son contrat par Philips parce que justement, il n'arrivait pas à percer, quoi. Et en fait, c'est Gabi qui a été enregistré un tout petit peu avant Pizza, donc qui n'est pas sur le vinyle donc de Pizza, mais qui est sur le CD. En fait, Gabi l'a bien lancé entre son deuxième et son troisième album, et il a confirmé avec Vertige de l'amour, et c'est ce qu'a poussé à Philips donc à le conserver. Il savait un côté un peu plus léger, un peu moins gitane, qui me branchait plus, et voilà, la sonorité qui est quand même assez marquée début des années 80 me plaît assez, donc voilà, c'est une découverte que je ne regrette pas. Voilà. Je suis bien content. Donc on peut passer à ton premier choix ? Oui, écoute, c'est un disque de jazz, c'est un disque de Miles Davis qui s'appelle Toutou, qui est de 1986. Pour le coup, l'extrait, c'est le titre Toutou, qu'on va écouter immédiatement. Donc c'était Toutou de Miles Davis, 1986, extrait de l'album du même nom. Moi, ça a été ma porte d'entrée sur le jazz. C'est ma découverte de Miles Davis, c'est ma découverte du jazz. Et dès les premières notes, je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai complètement fasciné par cette musique. Je trouve que c'est très années 80, mais dans le bon sens du terme, il y a un côté très froid, très glacé. C'est beaucoup lié à la batterie, hein, puisqu'il y a un mélange de batterie électronique comme il y avait dans les années 80 et de batterie classique, avec des pots classiques. Mm-hmm. Et c'est vrai que la sonorité est très sèche. Je trouve que ça, bizarrement, ça met vachement bien en valeur la trompette de Miles. C'est un truc écouté dans le noir. D'ailleurs, ouais. Comme la pochette qui est pour moi une des plus belles pochettes qui soit sortie ever. Ouais. Il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement marquant sur l'album, c'est la basse de Marcus Miller. Ouais. Bah, c'est lui qui a produit l'album, je crois. Tout à fait. Ouais. Qui est presque aussi central dans le disque que la trompette. Pour moi, c'est un très très grand disque et un incontournable et de Miles Davis et du jazz et des années 80. Bah, je te rejoins pas mal sur beaucoup de points. Hein. Donc moi, je suis rentré par cet album, donc c'est assez simple, puisque je pense que à l'époque, France Info, ils utilisaient le thème de Toutou quand ils avaient un petit trou entre la fin d'une chronique et pour arriver au journal de la nuit. D'accord. Et donc c'est pour ça, quand j'ai réécouté un petit peu plus tard l'album, donc j'ai reconnu ce thème-là. Ils utilisaient aussi des thèmes instrumentaux, donc des Beastie Boys. Et pour rejoindre donc ton point sur la pochette, à l'époque, je crois que c'était Rock'n'Folk qui avait sorti un calendrier. Et donc, bah, t'avais forcément plein de photos rock de différentes périodes. Et t'avais cette pochette de Miles Davis, donc en très gros plan, et qui est très très belle, quoi, qui est vraiment très jolie. Hein. Et bon, pour rejoindre aussi ton point, c'est vrai que l'album est titré donc Miles Davis, mais c'est vrai que c'est plus un album de Marcus Miller avec un très très grand trompettiste. Pour moi, c'est pas un album 100% Miles Davis, parce qu'on sent qu'il y a Marcus Miller qui est derrière pour produire, on va dire, le tapis pour la trompette, mais ça reste, c'est des bases du jazz, hein, on va dire. Votre deuxième album, quel est-il ? Alors, mon deuxième album, c'est mon album Bubblegum, c'est Prefab Sprout, From Langley Park to Memphis, qui est sorti en 88. Je vous conseille de mettre le disque, vous mettez les deux premiers titres, et on va s'écouter Cars and Girls, et ça va tout de suite vous dire quelque chose. Alors voilà, donc c'était Cars and Girls de Prefab Sprout. Cet album, pourquoi je l'ai pris avec moi sous le bras aujourd'hui ? Déjà, c'est pour moi, les deux premiers titres, c'est vraiment de la pop anglaise 100%, comme je l'aime. Quand je suis retombé dessus, j'avais pas écouté l'album en entier. Je connaissais effectivement les deux gros singles de l'album, The King of Rock'n'Roll qui ouvre et Cars and Girls. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, c'est vraiment l'essence même de la pop anglaise insouciante des années 80. À savoir qu'en Angleterre, il y a eu plein de mouvements pop dans les années 80. Enfin, vous documentez un petit peu, vous trouverez, il y en a eu plein. Et pour moi, ça, c'est la pop insouciante adolescente. C'est l'essence de pas mal de choses. Après, je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Eh ben, pour moi, c'est Boulevard des Hits 6. C'est comme ça que j'ai découvert le titre, c'était sur Boulevard des Hits 6, j'étais très Boulevard des Hits. Oh, trop fort. En fait, j'avais oublié complètement le titre, le groupe, jusqu'à il y a, je sais pas, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est assez rigolo que tu sortes cet album-là, parce que c'est un album que j'ai découvert il y a vraiment, peut-être 5-6 mois, et j'ai trouvé l'album vraiment excellent. C'est de la pop bien écrite, effectivement insouciante. Je trouve que c'est pas daté. Alors après, c'est peut-être ultra perso, mais je trouve que ça sonne pas comme un truc trop figé dans le temps, en disant « Oh là là, quand même, machin, ça date. » Je trouve pas. Je trouve que ça marche toujours vachement bien. Mention spéciale pour Nightingales, la fin de face A, que je trouve absolument géniale. Ouais, c'est clair. Moi, je suis plus sur Hey Manhattan, sur celle qui ouvre la face B. C'est bien aussi. Non, c'est dur de faire un choix. Franchement, l'album est très bon. Je trouve que c'est le genre de groupe tout le monde a entendu ça un petit bout dans sa vie. Et bah pourtant, 30 ans après, on retrouve des vinyles à 3,50€ en brocante. Et ça fait mon bonheur pour ce coup-là. J'ai l'impression que ça va être le running gag de l'émission. Là. C'est un truc que tout le monde connaît, que personne ne connaît en fait. Ah, en fait, c'était eux. Voilà. Donc, ouais. Je fais mon blockbuster parce que c'est pas drôle s'il y en a pas un dans la sélection. Lui aussi trouvé en vinyle à Lyon, c'est Faith de George Michael qui est sorti en 87. Et le titre que j'ai choisi, ça a été assez compliqué, mais c'est Kissing a Fool parce que voilà, parce que j'ai décidé. Donc c'était Kissing a Fool de George Michael, Faith 87. Donc bon, c'est juste un des énormes cartons de la décennie. C'est un très bon disque de George Michael, même si moi perso je préfère celui d'après. Il y a 9 titres, il en a quand même sorti 7 en single. 4 fois platine en Angleterre, 2 fois platine en France, I Want Your Sex, que dire quoi. La grosse machine. Ce que je savais pas, c'est qu'il a quand même écrit tous les titres, il a quasiment produit tout l'album, et il joue une bonne partie des instruments dont, ça m'a éclaté, je savais pas du tout. Il joue du synclavier, qui est un des synthétiseurs échantillonneurs phares de l'époque, dont Frank Zappa était extrêmement friand et qu'il utilisait ad nauseam sur certains de ses moins bons albums de l'époque. J'ai pas forcément un milliard de trucs à dire, si ce n'est que c'est juste un super album, quoi, voilà. Je vais juste appuyer ce que t'as dit sur le fait qu'il ait participé à la production, à l'écriture de l'album. Moi, quand je l'ai vu sur ta liste, je me suis dit « Ouh là là ». Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit « N'oublie pas que tu l'avais en cassette Face de George Michael ». Et donc, ça veut bien dire que je l'avais écouté et que je le connaissais. Et donc, quand je me suis replongé dedans, alors les premiers titres, effectivement, c'est les gros singles. Et notamment « One More Try », donc ça m'a vraiment rappelé les booms du collège. Mais vraiment un côté nostalgique, bonbon guimauve. Je me suis pas dit, oh là là, c'était mieux avant. Vraiment, quand j'ai réécouté ça, je me suis dit, putain, à cette époque-là, on était bien. Enfin, c'était pas mal. Le morceau, il coule tout seul. Même si c'est un slow ultime, un slow comme on en a fait plein dans les années 80, il est pas mal. Même 30 ans après, il sonne bien. Et surtout, ce qui m'a vraiment surpris, c'est Kissing the Fool, donc le titre que t'as choisi, parce que moi, je l'avais complètement oublié. Et il est vraiment bon, quoi. Pour moi, ça a été une vraie redécouverte du titre, parce que déjà, il chante super bien sur ce morceau, et il a un super bel écrin de jazzy derrière. Très très bon album. Alors, pour la suite, tu nous proposes... Alors, pour la suite, je reviens à quelque chose d'un petit peu francophone, puisque j'ai choisi Négresse Verte avec l'album L'Mla, qui est sorti en 1988, et on va s'écouter le titre Il. Il va, sa vache qui pisse, le vent n'a pas déconné les dieux, il est là sous la pluie, il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé, c'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse. Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il voit. C'est un bien triste sang, c'est un bien triste sang. C'était donc Il des Négresses Vertes. Alors pourquoi cet album? C'est assez simple, puisque moi c'est pareil, ça m'a replongé au niveau du collège, notamment avec Zobby Lamouche, parce que à cette époque-là on avait 12 ans et dire Zobby Lamouche, c'était rigolo. Donc on avait entendu ça à la radio, on chantait ça un petit peu bêtement. Cet album-là, je l'ai trouvé en vinyle en Allemagne à 5€. Donc franchement, je me suis dit, pour ce prix-là, il doit être rayé non. Quand je l'ai remis sur la platine, il tourne comme une horloge. Donc c'est un disque pareil, comme tout ce qu'on écoute, il y a une trentaine d'années. années. Les portes d'entrée, elles sont assez simples puisque vous avez quand même The Billamouche, Voile à l'été dessus. Mais il y a des morceaux qui sont quand même vachement touchants, notamment Hill, qui reprend quand même un petit peu ce qu'on a vécu à l'époque. Enfin, pas nous, mais nos parents et les adultes, c'est-à-dire une société qui commençait à être un petit peu violente envers... Un petit peu tout le monde. Ouais, envers un petit peu tout le monde. Il y a beaucoup de mélancolie dans les instrumentations, mais c'est pour moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le réécouter. Et bien, ça m'a donné l'occasion de le réécouter aussi, pour le coup. Je l'avais en cassette. Alors, c'était uniquement à l'époque pour Voilà l'été, naturellement, comme plein de gens. À l'époque, ouais. Je ne savais pas qu'il y avait The Billamouche dessus. Alors, ça a été... Oh, trop fort, il y a The Billamouche dans la cassette. Je trouvais ça terrible. Celle que je préférais, c'était Les yeux de ton père. Je la trouvais complètement barrée. Alors que j'aime... Mais vraiment pas du tout la musique type un peu Gypsy King. Là, je trouve que le mélange, il est juste pile bien, quoi. C'est un espèce de mélange entre la chanson réaliste très parigote et un côté vachement festif, pour le coup plus méditerranéen. Et je trouve que ça marche bien et ça me rappelait toute cette époque où on parlait de rock alternatif absolument à toutes les sauces et où on avait l'impression qu'il se passait quelque chose avec plein de trucs qui sortaient, alors plus ou moins intéressants, plus ou moins bien. Ça m'a rappelé des bons souvenirs et je trouve que le disque, il tient encore bien la route. Pour moi, ouais, les Négresses Vertes, bon, t'as fait le lien avec le rock alternatif, c'est clair, hein, c'est la Mano, c'est les Garçons Bouchés, c'est Pigalle, c'est tout ce mouvement-là qui part. Hein. La Négra Bouche Bite. Hein. Les Négra Mouche Bite, ouais, voilà. Exactement. C'était la jeunesse, tout ça. Ouais, c'est clair. Alors, je refais un saut très en arrière parce que je reviens en 1980 et j'ai sélectionné le premier album de Yellow qui s'appelle Solid Pleasure. Le running gag continue, c'est un groupe que personne ne connaît, mais en fait, tout le monde connaît ce qu'ils ont fait. C'est clair. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, parce qu'il y avait un reportage sur Arte qui était consacré à Dieter Meyer, qui est la moitié de Yellow actuellement. À l'origine, ils étaient trois, maintenant ils sont deux. C'est un groupe suisse de musique électronique, un petit peu expérimental par moment, franchement barré à peu près tout le temps. Pas qu'un petit peu expérimental quand même. Et moi, j'ai sélectionné un titre que tout le monde connaît, personne sait que c'est eux, mais tout le monde connaît. Et le titre que j'ai choisi, c'est Bostich. Et puis on écoute. C'est Bostich de Yellow sur l'album Solid Pleasure de 1980. Donc, tout le monde aurait reconnu la fameuse pub pour Lee Cooper. Vendez jeans. C'est une de mes pubs préférées de l'époque, quoi. Je la trouvais absolument visuellement excellente, musicalement complètement ahurissante. Et donc, ça n'est que récemment que j'ai découvert leurs albums, et en particulier celui qui nous intéresse, le tout premier. Il est plus bancal que les autres, mais je trouve qu'il est plus varié aussi, quoi. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a de la presque pop, il y a du presque rock, il y a du reggae, c'est ça, il y a de la presque samba. Moi, c'est ça qui m'a éclaté sur cet album là parce que moi, je connaissais pas du tout. Moi, c'est vraiment le côté atypique qui m'a vraiment attrapé, quoi, parce que vraiment à premier abord, c'est assez avant-gardiste. Moi, je l'ai vraiment, quand j'ai vu que c'était daté de 80, je me suis dit, oh, c'est pas possible, il y a une erreur de date. Et en fait, ce qui m'a vraiment attrapé, c'est ça, c'est les variétés de sonorités qu'ils ont, avec du reggae, moi j'avais noté aussi Street Wave et Smirax Train, qui sont des titres vraiment atmosphériques, bien planants, qui sont courts, mais qui vont à l'essentiel et qui sont vraiment super intéressants à écouter, quoi. Moi, c'est un album que je connaissais pas du tout et bizarrement, bah, je suis rentré dedans et ça m'a vraiment beaucoup plu à l'écoute. Après, moi, ça m'a fait pas mal penser à ce qu'a pu faire Sparks. Je sais pas si tu me rejoins sur ce point de vue. Oh, il y a le côté un peu dandy décadent à la voix de Stentor. Ouais, c'est ça. Il y a une petite passerelle. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est le lien que j'avais fait. Et puis, bah, pour le coup, non seulement je suis d'accord, mais en plus, je te passe la main sur le suivant. Ouais, alors on était en Suisse. Donc là, on part pour l'Australie, donc de l'autre bout de la terre, hein, pour Midnight Oil, un album de 87 d'Isle and Dust qui les a fait connaître, et on va s'écouter Dead Heart. Donc c'était Dead Heart de Midnight Oil, donc l'album d'Isle and Dust. Alors pour moi, déjà à l'époque j'écoutais, mais que ça. Peut-être pas typiquement 87, mais je crois que 88, 89, 90, j'ai dû bouffer les cassettes de Midnight Oil de A à Z, tout ce qu'ils avaient fait avant donc d'Isle and Dust, parce que ça me parlait quoi. C'était bizarre, mais c'était des Australiens qui chantaient en anglais. Je comprenais pas grand chose à ce qu'ils disaient, mais je ressentais la sincérité donc justement du chanteur. Et 30 ans après, en réécoutant le truc, c'est vraiment ce qui me marque. Même si les chansons, je les ai pas oubliées, ce que je retire, c'est vraiment, j'ai l'impression que donc Peter Garrett, donc qui après a fait de la politique, donc était très engagé pour la défense de l'environnement, etc. Moi, quand je l'entends chanter, il y a vraiment cette sincérité qui me touche. Dans les chanteurs que j'écoute actuellement, il n'y en a pas tellement qui me ramènent autant de sincérité à mon oreille. Alors, je sais pas ce que t'en penses, parce que c'est pareil, c'est un gros blockbuster, ça. J'avais en diagonale écouter l'album à l'époque, donc naturellement pour Beds Are Burning, un vrai bon titre des années 80, enfin j'aime beaucoup cette chanson. J'avais écouté le reste, j'ai réécouté deux trois fois l'album. Je ne vois absolument aucun commentaire négatif à faire dessus. C'est juste que j'accroche pas. Il y en a aucune qui me rentre dans la tête. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que j'écoute encore une dizaine de fois supplémentaires. Je trouve ça très bien, mais une fois que la chanson est finie, je m'en souviens plus. Ouais, d'accord. Sauf la première qui est vraiment terrible. On peut revenir à ta sélection. Ça va être un petit clin d'œil, parce que pour le coup, c'est un disque non musical. J'ai sélectionné Poil à la pub de Richard Gottener, qui est un disque de 1985. Je pense que tout le monde sait plus ou moins confusément que l'ami Richard est un très prolifique auteur de jingles publicitaires. Il en a fait pendant des années et des années. Je sais pas s'il en fait encore, pour le coup. Je crois qu'il en fait plus. Malheureusement. Mais oui, on n'a pas trop gagné au change avec les nouveaux, hein, mais bon. C'est clair. Et là, le présent disque compile une sélection de jingles qui sont parus ou non, pour le coup, parce qu'il y a des vrais jingles, et il y a aussi, au milieu de tout ça, des propositions qui ont été refusées, donc c'est assez intéressant ouais, pour chutes, ça. Ouais. Et donc c'est du travail qui s'échelonne entre 1974 et 1984, mais comme c'est sorti en 85, j'ai décidé que je le prenais quand même. Hein. Ouais, t'as le droit. Voilà. J'avais le CD, ouais, qui fait partie de ces disques comme ça, qui un jour n'était plus sur mon étagère, donc... Je maudis jusqu'à la 7e génération le méchant qui me l'a volé, mais depuis je l'ai récupéré en vinyle, alors c'est encore mieux. Il a été sorti en vinyle, mais à l'époque ou... A priori, oui. J'ai récupéré, ouais. En fait, c'est génial, j'ai une amie dont les parents n'écoutaient plus, enfin avaient dû casser leur platine, je sais pas, mais ils se sont débarrassés d'un gros pack de vinyle, donc j'ai récupéré plein de trucs vachement sympas, dans un état absolument proche du neuf, hein. Et dans l'eau, il y avait ce disque-là. Et j'étais trop content, pas juste de le réécouter, mais en plus, je trouve que la pochette est vachement sympa avec son côté très rétro. Ouais, très flashy. Ouais, c'est vraiment excellent. Et en grand, c'est pareil. C'est quand la pochette est belle, en grand, c'est encore mieux. Ouais, c'est clair. Donc j'ai sélectionné deux titres. Une des nombreuses publicités Vittel qui ont été enregistrées à l'époque. Donc c'est Vittel Flagada. Et on enchaîne immédiatement après avec un titre que j'adore, qui est la bande annonce de Inspecteur la Bavure. T'es toute molle, tu te sens. Tu te trouves cloche et pour plaire aux gars, c'est pour ça qu'est ça. T'es ramollo, t'es raflabla, tu tiens pas le coup, t'es flagada. Boum, patatra. Il faut que j'élimine. Vittel vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous. Buvez, éliminez. Alors, inspecteur à bavure, c'est un inspecteur qui attrape... Écrase un peu tes doigts, nous raconte pas, fais pas le con. C'est un inspecteur qui attrape les gangsters avec un gros revolver. Ne nous raconte pas l'histoire, le film, on voudrait le voir. Alors, à un moment, je me retourne et qu'est-ce que je vois, dis donc. Remets ta langue au placard, vas-tu te taire, c'est trop dur. Nous aussi, on veut le voir, l'inspecteur, la bavure. Inspecteur, la bavure, un film de Claude Zidi avec Coluche, à partir du 10 décembre. Remets ta langue au placard, le film, on voudrait le voir. On veut voir les aventures de l'inspecteur, la bavure. Alors à un moment, je me retourne et qu'est-ce que je vois, dis donc. Donc c'était, voilà, Vitel Flagada et Inspecteur la Bavure de Richard Gottener, In Poêle à la Pub de 85. Est-ce que tu baguenaudes dans les Je baguenaude toujours et j'ai vu qu'en fait il avait fait un concert, il y a des extraits sur internet où il reprenait certains jingles de pub dont Belle des Champs. C'est pareil, ça c'est un truc, enfin Belle des Champs, tu l'entends une fois. Mais c'est pas un verre d'oreille pour la journée, quoi. C'est pour toute la vie, quoi. Oui, bah moi j'ai ça et puis le couscous aussi. Et on peut boire à gogo du oui, manga. C'est ça. C'est... Ou Ça s'écoute comme une grande page oui. de pub, mais. Mais une qu'on n'a pas envie de zapper. Ouais, c'est clair. Voilà, donc. S'il n'y a pas de bulles dans Banga, alors qu'est-ce qu'il y a ? On en finit là-dessus avec les brocantes, les occases, les machins, les trucs, ouais. pour aborder la partie suivante. Donc, un album neuf, une réédition pour le coup, et je te passe la main avec Avec un des plus grands albums de rap. Alors, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui vont apprendre à me connaître, Dieu sait que le rap, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais voilà, donc ça fait 30 ans que les Beastie Boys ont sorti leur album mythique. License to Ill, qui est sorti en 86, si je me trompe pas. C'est ça. Donc pile poil 30 ans, il est sorti mi-novembre. On laisse passer Rhyming and Stealing qui ouvre l'album. Donc c'était Rhyming and Stealing des Beastie Boys, donc qui ouvre l'album License to Ill. Alors pourquoi cet album-là ? C'est assez simple en fait, c'est les premiers à avoir vraiment fait le mélange du rap et du rock avec les grosses guitares. Ils ont été pour cet album produits par Rick Rubin, donc qui avait produit Aerosmith et Run DMC pour le Walk This Way. Et donc après Rick Rubin il a produit tout ce qui a tourné en fusion, que ce soit les Red Hot etc etc. Mais pour en revenir aux Beastie Boys, ils ont commencé à faire du punk, c'était du gros punk qui tâche. Et après ils sont revenus avec leur petite tronche de blanc-bec à venir faire du rap, à gueuler dans des micros, à récupérer des samples à droite à gauche. Alors je vais pas vous énumérer tous les samples de cet album parce qu'il y en a dans tous les sens. Il y a du Led Zeppelin, il y a du AC/DC, il y a etc. Il y a du gros single avec No Sleep Till Brooklyn, Fight For Your Right. Pour moi c'est un disque, quand je le mets, il n'y a plus grand chose qui existe autour. Alors je suis en train de le déplier devant moi. Et donc pour ceux qui connaissent l'album, en fait vous avez la première pochette, donc c'est une queue d'avion avec le logo des Beastie Boys de l'époque. Et quand vous dépliez, vous constatez que l'avion est écrasé au sol type mégot de clope avec le track listing. Et donc si vous l'avez pas en tête, ou si vous l'avez jamais vu, ou si vous avez vu que la pochette, je vous conseille d'aller ouvrir ça sur internet parce que la pochette elle est pas mal. Donc voilà, je sais pas si tu connaissais l'album. Je ne connaissais pas l'album. Pour être très honnête, le rap, ça n'est que extrêmement modérément ma tasse de thé. Si c'est juste de la déclamation un petit peu fort dans un micro et que l'intérêt, il est là-dedans, j'y trouverai jamais mon compte. Moi, à la limite, le moment où je suis venu un petit peu plus en me disant « Tiens, il y a des choses intéressantes », c'est avec tout le mouvement acid jazz au début des années 90, hein, où là, il y avait des trucs qui étaient vraiment... Enfin, moi, je trouvais vraiment intéressant. Là, je peux en écouter un, je peux écouter Fight For Your Right, que j'avais déjà entendu, que je connaissais. Pour le reste, à la limite, je peux juste dire que le côté un petit peu très... Enfin, que je trouve, moi, très très cheap et ultra daté, je trouve ça mignon, je trouve ça attendrissant d'une certaine manière, parce que c'est très témoignage d'une époque, donc ça m'a amusé de l'écouter pour ça, mais j'avoue que j'ai pas pu écouter l'album en entier, parce que ça m'a vraiment assassiné les oreilles. T'as pas aimé les bonnes beatbox des années 80 ? Je te dis, je peux écouter un morceau, je peux écouter deux morceaux. Au bout d'un moment, tu décroches. C'est pas grave. Hein. Je sais que c'est vraiment un truc qui a marqué à l'époque et qui marque encore. Enfin, c'est vraiment une référence, mais pas pour moi. Alors juste pour la petite histoire, donc pour les 30 ans donc de l'album, il n'y a pas eu une grosse ressortie coffret, mais il est ressorti en vinyle 180 grammes. Et le son est bon ? Ouais, bon, de toute façon, ils ont bien bossé le truc, hein. Enfin le vinyle est bon. Hein. Donc on va passer sur ton choix qui reste... Ça fait une grosse balance. Ah bah c'est le jour la nuit. Hein. Je dois dire, puisque là je vous ai choisi du bon gros West Coast de 1982 avec l'album Mirage de Fleetwood Mac. La réédition de cette année en fait, parce qu'il est enfin ressorti en remasterisé avec le traditionnel CD bonus. Alors je n'ai pas acheté la version qui coûte 3 plaques avec les vinyles en plus. J'ai juste pris le double CD qui est amplement suffisant. Et qui est vraiment super sympa parce qu'il y a plein de démos qui sont franchement sympathiques. Des fois les démos c'est un peu barbant, je trouve que celles-là sont plutôt pas mal. Une petite face B qui est pas impérissable mais qui vaut le coup. Et puis enfin la ressortie de la version clip du titre que j'ai sélectionné, à savoir Gypsy, chanté par la ravissante Stevie Nicks. C'était Gypsy de Fleetwood Mac sur l'album Mirage en 82. Donc Fleetwood Mac, juste pour resituer, hein, c'était un groupe qui était à l'origine, il a eu deux vies, hein, c'était du blues en 1967 hein, et en fait il a évolué à partir de 75 avec l'arrivée de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham pour virer sur des musiques beaucoup plus mainstream et plus West Coast, et avec en particulier l'album Rumours de 1977 qui est un énorme carton. Et donc là c'est le disque de 82 qui est moins original, qui est moins flamboyant, mais moi que j'aime beaucoup, c'est le premier que j'ai écouté et je m'en lasse pas. Je trouve que les chansons sont cool, c'est une super prod, c'est un super son, je trouve les chansons vraiment efficaces quoi. Donc moi je m'en lasse pas de ce disque. Alors moi je connaissais deux noms évidemment, parce que bon, c'est quand même un groupe qui est assez connu, mais j'avais jamais trop fouillé le répertoire de Fleetwood Mac, donc c'était pour moi une bonne occasion d'y jeter une oreille. Mais j'ai eu énormément de mal à y rentrer, je dois t'avouer. Alors je t'entends rigoler, mais c'est pas drôle. Mais franchement, là, je reprends mes notes, parce que donc la chanson That's Alright, c'est la troisième, et j'ai failli raccrocher les gants, quoi. Parce que pour moi, dès le début, c'est beaucoup trop country. Alors, tu parlais West Coast, oh, je sais pas si c'est West Coast, mais pour moi c'était beaucoup trop country. J'ai vraiment eu du mal. Mais je me suis dit, bon, c'est facile de dire, ouais, j'aime pas trop, ça me colle pas, mais faut pousser. Et donc, heureusement, il y a quand même Gypsy donc, que t'as choisi, qui me plaît bien. Et ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai vraiment eu du mal à trouver un moment qui colle avec cette musique. Moi, j'aurais tendance à dire, dans tous les styles, il y a un moment où tu vas avoir envie d'écouter ci, ça, machin. Et là, pour cet album-là, je me suis dit, à aucun moment, je vais me dire, tiens, je vais écouter ça. Alors, ça m'a pas déplu, parce que, comme tu l'as dit, c'est très très bien produit, c'est super propre, c'est bien léché. Mais pour moi, ça manque un peu de relief sur certains points. J'ai trouvé que c'était un peu plat. Il y a juste, donc, comme je t'ai dit, Gypsy qui m'a bien plu, et sur la face B, il y a Odiane qui parle. Pareil, qui m'a un peu accroché l'oreille. J'ai trouvé que c'était un peu léger pour m'attirer dans le disque, quoi. J'ai eu un petit affect particulier, même si je reconnais très volontiers que c'est pas ce qu'ils ont fait de plus transcendant. J'ajoute juste un petit truc, parce que quand même, Cocorico, l'album, ça doit être un des derniers, parce que je savais même pas qu'il était encore ouvert à l'époque. L'album a été enregistré au château d'Hérouville, le mythique studio du très regretté Michel Magne, où ont enregistré David Bowie, les Pink Floyd, ouais. La Mecque des studios d'enregistrement français. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Ceci conclut le vote du jury belge. Good evening Bruxelles. Et donc nous allons passer notre sélection hors série, et on recommence avec du bruit, j'ai l'impression. c'est difficile à dire, mais ouais, ça reste quand même du bruit, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est ce que j'aime bien aussi, hein, donc. J'ai l'impression. Ouais, ouais, on parle des Pixies, donc Ed Carrier, qui est sorti il y a de ça un ou deux mois. On va s'écouter le titre Balls Back. Alors c'était le titre Balls Back, donc des Pixies, sur leur dernier album. Alors ça vient des années 80, ils ont commencé 87 ou 88 avec Common Pilgrim, Surfer Rosa. Avec ma petite sœur, on s'est pas mal écouté ça, surtout pour les cris de Gorette Frank Black. Donc là c'est marrant parce que 30 ans après, il crie toujours aussi fort, ça fait toujours autant de bruit. Et ça me fait toujours autant kiffer de les écouter. Et bon, pour certains ça peut paraître très très régressif, mais bon... moi c'est ce que j'aime bien aussi chez eux, hein, c'est que ça revient vraiment à la base et c'est un super bon album de 2016, ça c'est clair. Après je sais pas ce que t'en as pensé. Là encore ça a été une super découverte pour moi. Alors les Pixies je connaissais un petit peu, quelques petits trucs que je devais avoir par-ci par-là, je me souviens de Gigantic que j'aimais bien à l'époque. Ouais. J'ai pas pu vraiment écouter un disque complet de A jusqu'à... Et pourtant, ils sont pas longs, mais... Ils sont pas longs. En général, ça va vite. Hein. De A jusqu'à Z, hein. Il y a toujours quand même effectivement un moment où ça commence à vomir un peu trop dans le micro, à mon goût. Ça bourdonne dans les oreilles. Voilà. Entrecoupé de titres qui sont beaucoup plus accessibles pour mes oreilles chastes. Et c'est marrant parce que donc sur cet album de 2016, le titre que t'as sélectionné, il fait ovni par rapport au reste de l'album. Ouais. Et en fait, bah, moi, c'est celui, naturellement, que j'ai le moins aimé de tout l'album. Par contre, le reste du disque, c'est vraiment le seul disque des Pixies pour le moment. Il y en a, je les ai pas encore tous écoutés, mais c'est le premier que j'ai plaisir à écouter parce que je trouve les chansons vraiment super bonnes. Ouais. Est-ce que tu vas considérer ça comme un album moins bon parce que si moi ça me plaît, c'est peut-être parce que toi ça te plaît moins. Non. Parce que moi j'ai bien aimé. Hein. Ouais, en fait, c'est ça qui est assez étonnant. C'est un groupe qui a eu une carrière très très rapide en fin des années 80. Ils ont splitté tout début 90, je crois que c'était en 91 ou 92, et donc bah forcément, comme beaucoup de groupes, ça se réunit, on va dire 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard, parce qu'il y a les impôts qui sont derrière, et donc tu te dis bah ils reviennent, ils jouent leur hit, mais le truc c'est que bah ils ont réussi à ressortir un album donc il y a 2 ans, qui était déjà pas inintéressant du tout, qui était toujours assez inventif dans la ligne de ce qu'ils avaient fait avant, et là en 2016, donc bah les mecs ils ont vieilli, mais ils sont toujours là. Il se pose toujours comme pilier du rock, hein, parce que pour moi, bon, ça reste du rock simple. Puis hein. À des époques où on fout 80 minutes sur un CD, c'est presque couillu de ressortir un disque qui fait encore que 33-34 minutes. Ils vont à l'essentiel, ils mettent juste ce qu'il faut, point barre, il n'y a pas une note de trop, enfin voilà, il n'y a pas de gras quoi. Ouais, ça a toujours été. Le gras, il est au niveau du chanteur. Cherche des photos. Tout à fait, ouais, non, mais je vois bien le personnage. Bah, en tout cas, ouais, vraiment, je suis super content que tu aies mis ça sur ta sélection parce que je l'aurais très certainement pas écouté sinon et je regrette pas du tout. Voilà. Bah, on va passer à ta dernière sélection. Et oui, alors, attention. Alors là, oui, attention, parce que alors là, tu m'as sorti du lourd. Alors, c'est une réédition d'un disque de 79 qui s'appelle Nibbles. Et en fait, l'album réédité pour le Record Store Day de cette année s'appelle maintenant Please Do Not Steal It. Et c'est un disque des Residents. Alors, les Residents, je vais resituer le truc. Ouais, resitue, parce que c'est important. Tout commence en 1992. Mr. Wiz découvre l'avant-garde. C'était dans un épisode, le 8e épisode de L'œil du cyclone, la meilleure émission du monde entier. Ouais, la télé sur Canal, ouais. Et cet épisode-là était consacré aux Residents. Ils se qualifiaient à l'époque eux-mêmes de le plus populaire des groupes que personne ne connaît. Ce qui reste une belle définition et quand on y jette une oreille attentive, c'est tout à fait ça. Donc c'est extrêmement underground, c'est extrêmement expérimental. C'est un ensemble, on va dire, qui fait de la musique, qui fait des disques, qui fait des vidéos. Pour le coup, leurs vidéos font même partie de la collection permanente du Musée d'Art Moderne de New York. Mmh. Ils ont fait des spectacles complètement hallucinés, beaucoup d'albums concept. Et la musique ne ressemble à absolument rien de connu. J'ai eu moi-même un mal de chien à mettre un titre comme ça en sélection, parce que c'est quand même ultra particulier. Donc ouais. Bon, j'ai quand même pris le titre You Yes Yes Yes. You Yes Yes Yes. You Yes Yes Yes. Yes Yes Yes. Voilà. C'était You Yes Yes Yes des Residents. Comment dire, c'est complètement barré, mais voilà, à la première écoute, j'étais complètement fasciné. Qu'on puisse faire quelque chose d'aussi tordu, d'aussi musicalement inesthétique dans certains aspects, de complètement bricolé. Moi, j'étais sur le cul, quoi. Je m'en suis toujours pas vraiment remis. Ouais, alors, déjà... Le truc, c'est franchement super sympa de l'avoir mis dans la sélection parce que de moi-même, j'aurais jamais posé une oreille sur cet album. Et alors, pour moi, alors c'est un truc totalement inclassable et inqualifiable. Alors, quand j'ai commencé à écouter, j'ai absolument pas pu dater et j'ai absolument pas pu dire si c'était français, européen ou si c'était brésilien. Ça, tu m'aurais dit c'est un truc japonais ou philippin ou ceci, cela. Pff, c'est impossible de le classer. Pour moi, il n'y a pas d'année, pas de nationalité. Et là où ça m'étonne le plus, c'est que ça a réussi quand même à m'attraper. Donc justement, par ce côté, jusqu'où ça va aller. Les morceaux sont quand même assez courts. Donc ça s'installe et hop, ça passe à autre chose. Ça s'installe, ça passe à autre chose. Il y a un aspect curiosité qui, moi, m'a vraiment, vraiment parlé, quoi. Parce que, bon, je suis un petit peu musicien aussi. Et donc, quand il y a un groupe qui propose ce genre de choses qui sont totalement hors format, franchement, si quelqu'un veut perdre ses repères au niveau musical, que ce soit au niveau des formats, parce que vous en avez marre d'écouter un petit peu toujours la même chose, bah vous écoutez ça. Et franchement, c'est comme jouer à Colamaillard, sauf que c'est avec les oreilles. C'est un beau résumé, je trouve, mais ouais, mais le Colamaillard avec les oreilles. Je pense que ça peut... être clairement déconcertant pour certaines personnes, mais faut laisser sa chance. Enfin, faut pas couper le disque trop vite, parce que vous risquez de passer à côté d'une belle pépite, quoi. Ceci clôt notre deuxième épisode de Manche Disque. Je suis ravi d'avoir partagé le crachoir avec vous. Bah, tout le plaisir est pour moi. De bien belles découvertes. Écoute, oui, et enfin réciproquement, ça a été une décision collégiale. Enfin, on a eu la même idée en parallèle, sans s'en parler. Et puis, bah, au final, quand on a confronté, on s'est retrouvé avec la même idée. On va terminer sur un titre qui est le titre le plus connu de Yellow. C'est un petit peu plus récent, c'est du milieu des années 80, mais c'est un titre que là aussi absolument tout le monde connaît. Donc voilà, ça sera pour terminer l'émission. En tout cas, Monsieur Murdoch, je vous remercie de votre présence. Et, merci à vous, oui. Ce fut un plaisir. Et puis bah à tous, je vous souhaite une agréable fin de journée. Et puis bah à très bientôt sur 80's le podcast. Hein, voilà, à bientôt. À bientôt. Ciao.